Bonjour et bienvenue pour cet épisode 52 de Marvelicious, le podcast, épisode consacré encore une fois sur un hors-série sur l'Orcana, où on fait le point avec deux youtubeurs, Tom et Revan, après avoir fait un point avec notre ami le beau Baptiste, alias l'Orcatis, qui a pu nous parler de sa chaîne Mulligan TV et de son parcours lors de la sortie, le tournoi, pardon, des Illumineurs. Et bien maintenant on va prendre l'avis de Tom et Revan sur ce 7-7, ainsi que leur avis sur l'actualité, etc, etc. Bref, il y a toujours des choses à dire sur l'Orcana, et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Marvelicious, épisode podcast hors série, le deuxième consacré à l'Orcana, alors deuxième sur le 7-7 et le début du 7-8. Alors j'étais accompagné du beau Baptiste la dernière fois et aujourd'hui je suis aussi accompagné de deux beaux gosses qui ont une chaîne YouTube en commun, Tom et Evan. Alors on va commencer par Evan. Alors bonjour Evan, tu vas bien? Bonjour à tous, écoute, ça va très bien, merci. Merci de nous inviter sur ton podcast. Et oui, la forme, la patate. J'espère vous avoir souvent. Parler de l'Orcana, c'est pas rien. On sera là. Et enfin, Tom. Bonjour Tom, tu vas bien? Salut tout le monde, ça va et toi? Ça va. Alors Tom, on va rester un peu sur Tom au début, plus que Evan. Alors, je vais faire une crise de jalousie, Evan. J'espère. Oh non. Parce qu'en fait, le programme, donc j'ai annoncé le programme en off aux copains, et on va commencer par, comme on a fait pour Baptiste. Alors, j'ai vu Tom de loin, voilà, je voulais pas le déranger lors de son tournoi de Vernon. Alors, comme j'avais expliqué, c'est que je pars des tables du fond pour voir où sont les copains. Voilà, bon, j'ai pas vu Tom à table du fond, j'ai vu Tom table du milieu, vers les tables du milieu. Si je veux. C'est voilà. Ça. Baptiste, début. Table du. Voilà, il a fait 1, 2, 3, 4 au début. Ou après, voilà, il est arrivé 36 ou 38e, je sais plus. Voilà. Alors, Tom, ce tournoi de Vernon, comment l'as-tu trouvé? Avant de nous parler de ta performance. Écoute, sur l'événement lui-même, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Il y avait pas mal aussi d'exposants, des artisans qui proposaient des trucs en impression 3D, l'Orcana, etc. Donc ça, c'était toujours sympa. Il y avait le tournoi enfant aussi, je trouve ça cool qu'ils mettent ça en avant. Et les rounds se sont bien enchaînés, donc ils ont respecté à peu près le temps, le timing. Donc je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Et voilà, plutôt une bonne organisation. Après, on était un petit peu serré pour jouer au niveau des tables. J'avais pas cette impression-là, moi. Ah ouais, je te dis, quand on était tous assis, c'était un peu limite, quoi. Fallait pas que ce soit plus petit. Mais franchement, à part ça, ça s'est plutôt bien passé, comme finalement l'année dernière. On avait fait le tournoi aussi l'année dernière. Et pareil, le même ressenti, quoi. C'était très cool. Oui, c'était la deuxième année, parce que l'année dernière, ils avaient battu un record, celui-là qui avait regroupé le plus de joueurs. Voilà, on apprend avant les Lorcala Challenge. Après ça, c'était ça. Fini le record. Voilà. On avait parlé, c'est qu'ils avaient battu Miami. Voilà, parce que Miami avait fait 230 et des brouettes, je crois. Et puis, donc Vernon, petite commune de l'heure, a battu la grande ville de Floride. Voilà. Et du coup, tu avais déjà fait la première édition ou pas? Avec Revan, on était venus à deux. Et c'était notre premier gros tournoi en plus à l'époque. C'était l'époque du 7-3. Et à cette époque-là, j'avais fini dans le top 16, mais j'avais perdu donc en 8e l'année dernière. Oh, flûte à bec. Donc, j'étais content de ma perf à l'époque. Et là, j'ai fait beaucoup moins bien là. Là, l'ami a serré les fesses, on va dire ça. Parce que là, moi, alors, je voulais pas te déranger. Quand je dis, oh, je voulais pas déranger, j'ai mangé une crêpe, tu vois. Et en fait, du coup, en fait, effectivement, il y avait un tournoi enfant. Et justement, j'ai expliqué que c'était agréable ce genre de tournoi parce que les enfants peuvent jouer. Voilà. Et ça évite que les enfants rencontrent les adultes et puis les adultes rencontrent des enfants. Ça vous est déjà arrivé, vous, je crois, de rencontrer des enfants au tournoi? Surtout toi, Revan, je crois. Ouais, moi, j'en ai rencontré pas mal. Bon, après, j'ai fait aussi peut-être un peu plus de tournois local. Du coup, bah, ça augmente les probabilités. Et, mais faut se méfier. Alors, c'est pas c'est des enfants que ça passe crème. Hein. Ils apprennent vite, ils retiennent très bien les patterns et tout. Et ils peuvent être de redoutables adversaires. D'accord, il dit ça parce qu'il s'est fait battre par des enfants, c'est pour ça. Je me suis fait battre par des enfants, oui. Je dis ça, je l'assume. Je me fais battre des fois par ma fille avec son deck aggro violet ambre, là. Il fait bien ouais. mal. Quand elle a bien, quand elle a la bonne pioche dès le départ, c'est difficile après de la rattraper. Voilà. Mais bon, voilà. C'est plutôt pas mal les tournois enfants, je trouve. Ça permet vraiment les enfants de se retrouver. Ils étaient 16, je crois, si je ne me trompe pas. J'avais pu poser la question à un des organisateurs. Alors, Tom, parle-nous de ta performance, du coup, puisque tu as fini donc top 16 l'année dernière. Et là, du coup, je finis 118e sur 280 et quelques. Je crois qu'on était un peu plus de 280. Et là, j'ai fini 118. D'accord. OK. Donc, c'est pas terrible. Le numéro de téléphone. Déçu. Appel à l'aide. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous ton premier. Malheureusement, en fait, c'est surtout au niveau du choix. Avec Revan, on voudrait se moquer un peu, c'est pour ça. Voilà. On va dire que c'était pas ma méta, quoi. Et c'était avant la banlist. Et du coup, fallait jouer soit bleu-gris, soit bleu-rouge. Et. Dans les deux cas, je n'avais pas les Tamatoa légendaires, tu sais, la carte qui coûtait du coup 60 balles unité. Donc, j'ai joué 100 et j'ai pris un bleu-gris aggro. T'as pas vendu terrain ? Non, j'ai préféré attendre et je crois que j'ai bien fait. Mais en gros, j'ai joué bleu-gris aggro et au lieu de jouer des Tamatoa à 60 balles, j'ai joué des profs. Donc, c'est moins stable, ça peut briquer en main, ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Mais bon, ça m'a permis quand même de gagner quelques games. Mais clairement, je n'avais pas un deck pour prétendre au top. Pas un deck de compète, quoi. Non, c'était pas le cas. D'accord. Et du coup, un de mes pires match-ups, c'était le bleu-gris, mais on va dire plus mid-range. Un bleu-gris qui joue Zeus, qui joue le Tamatoa, qui joue des Grands Mertala, des choses comme ça. Traditionnel, on peut dire ? Ouais, on va dire que c'est... Ouais, c'est... Après, il y a des bleus-gris full objet et des bleus-gris aggro. Il y avait trois versions, on va dire, à ce moment-là. Et celui que je voulais surtout pas rencontrer, c'était le mid-range, celui dont je parlais là. Et j'en ai rencontré 5 sur 8. Donc, ça fait beaucoup. Là, du coup, ça veut dire 5 défaites, du coup, j'ai bien compris. Ouais, je crois il y en a un avec qui j'ai fait égalité, mais sinon mes 3 défaites c'était contre ça quoi. Bon, en tout cas pas très fier du coup de ta performance du coup. Non, c'est. T'es resté pas, sur pas la très, performance de l'année dernière. T'es resté sur ta performance de l'année dernière. Ouais, tu peux pas être performant tout le temps, ça arrive. Bon après, je sais pas. Revan, toi, t'as vu un peu comme moi sur Twitch ou t'as... Non, moi, malheureusement, en fait, si je n'étais pas présent, c'est ce que j'étais, c'était le week-end de mon anniversaire et du coup, j'étais parti à Europa Park. Donc, c'était compliqué de regarder Twitch dans les grands. Ah oui, effectivement, oui. C'est plus important, l'anniversaire. Voilà. Du coup, voilà, j'y suis pas allé, mais entre deux queues, j'ai essayé de regarder les résultats des copains. Ouais. T'as regardé au fond, t'as slidé à la page 8 pour voir Tom. Oh, ça cache. Non, mais bon, en tout cas, je t'avouerai que j'étais étonné parce que quand je suis arrivé, j'ai cherché les copains et du coup, j'ai cherché J'ai regardé d'abord au fond, j'ai remonté, je t'ai vu au milieu, j'ai fait ah, ça va pas se passer comme il voulait. Mais oui, c'est comme ça. Voilà. Ouais, ça arrive. Oui, ça arrive, c'est rien. Puis t'as pris du plaisir quand même à jouer. Ah, par contre, j'ai passé un super week-end. Hein. Mais de toute façon, comme je te disais, je m'y attendais puisque j'avais pas le deck top tier, on va dire. Mais j'y allais surtout pour passer un bon week-end avec les copains. De jouer à l'Orcana aussi, tout simplement. Oui. Hein, toujours, c'est toujours très c'est cool un de premier jouer gros tournoi de l'année, à peu près. C'est, ouais. C'est ça. Voilà, c'est un des plus gros de l'année et un des premiers, donc du coup, c'est plutôt pas mal. Donc, et puis le deuxième jour, il y avait des side events. J'ai fait un win a box. Et là, j'ai changé de deck. On m'a prêté quelques cartes et j'ai joué un bleu-rouge. Le bleu-rouge, on va dire, classique. Et ça s'est très, très bien passé. J'avais pas fait de défaite. J'avais fait 3 victoires, 3 égalités. Donc, ça reste un score plutôt honnête. Et voilà, j'ai aussi passé un bon dimanche, un bon deuxième jour de tournoi. Donc, c'était cool. Bah, c'est bien. T'as passé un bon week-end et c'est l'essentiel. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est bien résumé. Alors, je sais pas si vous avez vu Revan et Tom, mais bon, moi j'étais sur Twitch et puis j'ai regardé principalement les deux super animateurs d'ailleurs, soit dit en passant. Il y avait quand même de la déception en tant que spectateur. Je sais que moi j'étais un peu déçu puisque en fait, le top 16, c'est que des bleus gris ou des bleus rouges. Ouais. Et je vous cache pas que tu dis. Oh, voilà, il n'y a pas un deck qui sortait réellement du lot, c'est un peu... Alors, tu vois bien que les animateurs étaient un peu... Voilà, ils disaient, ah, on aurait bien voulu un petit deck surprise, mais en fait, il n'y avait pas de deck surprise, pas du tout. Non, je crois qu'il y avait un bleu violet. Ouais. Bon, les deux plus gros decks de la métal, et c'est pas la place aux autres decks, en fait. Mmh. Bon, c'était trop dur. Ouais, tu voyais bien, quand ils diffusaient... Quand ils diffusaient les matchs, celui qui avait bleu-rouge, pouf, voilà, l'autre, il pouvait rien faire. Donc, attendez, il a même pas touché, qu'il y avait déjà 6 encres, tu vois, c'était un peu, c'était au-dessus du lot quand même. Et je sais pas, toi, t'as affronté des bleus-rouges, je suppose. J'en ai affronté 2, ouais. Ouais, tu devais dire, enfin, je sais pas, mais putain, c'est décourageant d'entrée, parce que tu sais que tu allais perdre, je suppose. D'entrée, non? Bah, en fait. J'ai fait égalité, mais parce que en fait, si c'est lui qui commence, la manche où lui il commence, t'es quasiment sûr de perdre parce qu'il a un trop gros avantage. Ouais. C'est un deck qui est hyper stable, qui est vraiment très fort. Donc, mais celle où c'est à ton tour de commencer, là, t'as moyen de gagner. Et moi, j'avais build un peu mon deck contre ça, et du coup, j'arrivais à gagner la manche où je commençais. Bleu rouge. Bon. En tout cas, c'était. Voilà, moi j'avais l'impression que les gens, quand ils tombaient contre bleu rouge, ils étaient je vais perdre, allez hop. Et que plus t'arrivais en fait vers le fond de la salle, d'ailleurs ça se voyait un peu, hein. Quand t'es visiteur, plus t'arrivais au fond de la salle, plus t'étais des decks différents avec du violet, du ambre, etc. Ouais. Et du gris, mais plus t'arrivais au haut, c'était que du bleu rouge et du bleu gris, quoi. C'était. Mais bon, voilà, c'est la vie, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà. Donc, voilà. Bon. Justement, vous en pensez quoi justement de ce bleu rouge bleu gris qui était carrément au-dessus, quoi? C'est par rapport au plaisir de jouer, entre guillemets. Bah, vas-y, Ervan, toi qui joues bleu rouge. Comme ça, je pourrais donner les deux points de vue. je pense que c'était infâme. C'est juste ça. C'était juste plus fun de vouloir essayer des decks. Parce que on se faisait. Si on voulait devenir un peu plus original, on savait qu'on allait se manger un mur. Le bleu-gris, donc la sphère qui a été bannie, c'est une chose, mais moi je trouve que c'est la belle qui était beaucoup trop pétée. Alors, il faudra juste expliquer la belle, quand même laquelle, parce que je vois laquelle, mais. Oui, la nouvelle belle, T3, en crable. C'est une 3-3 et elle a pour effet de si on peut bannir un objet pour la jouer gratuitement. Ce qui fait que dès le début, tour 1, on pouvait jouer un objet, piocher une carte. Donc on jouait soit une sphère grise, là, comment ça s'appelle ? Une fortisphère, soit une sphère d'endurance, soit une glace à l'eau. Et derrière, on pouvait jouer notre belle gratuitement. Et on avait un chanteur pour le T2 qui pouvait chanter Perdu dans l'hiver. Donc c'était un peu l'effet style song, mais en mieux parce que bah, c'était une 3-3, quoi. Donc c'était très. Déjà que juste avoir la style song, la Cendrillon, c'est chiant. Alors là, avoir une belle qui était 3-3, c'était quasiment impossible de la contourner. Même si elle est toujours jouée, parce que bah, du coup, on peut toujours jouer des T1, mais le fait d'avoir banni la sphère d'endurance, ça la ralentit grandement. Et du coup, c'est déjà un peu plus agréable de jouer contre elle quand on la voit, parce que maintenant, c'est moins joué. Ensuite, pour ce qui est de bleu-rouge, donc bleu en général, hein, Flavorsham, RIP, petite souris partie trop tôt, ou pas assez tôt, ça dépend le point de vue. Je pense que c'était un mal nécessaire. Il était beaucoup trop fort, il accélérait beaucoup trop vite les jeux des bleus, bleu-rouge et bleu-gris. Moi qui jouais bleu-rouge, enfin qui joue toujours bleu-rouge d'ailleurs, juste que j'essaie de trouver une chaussure à mon pied là, mais c'est vrai que bah en fait on arrivait le Flavorsham qui sortait, c'était l'autoroute quoi. Et il y avait pratiquement rien qui pouvait arrêter la puissance de Flavorsham à part la Sissou, mais bon la Sissou on l'a pas tout le temps quoi. Ce que je trouvais dégueulasse, si je peux me permettre l'expression, oui. C'est que 10 fois j'avais des bleus rouges, des bleus gris devant moi, ils avaient plus de cartes dans les mains. Ah oui. Puis d'un coup blablabla, ils en avaient plein. Ah mais il y a, moi j'ai déjà vu une game où j'avais plus de cartes en main, j'avais juste un Flavorsham et une glace à l'eau sur le terrain, je pars à l'aventure, je pète ma glace à l'eau, donc la deuxième parce que j'avais déjà posé Flavorsham qui avait pété une glace, je pioche dans mes deux cartes un Tamatoa, je joue Tamatoa, le nouveau là qui récupère deux objets dans la défausse. Et on repart, et on repose des glaces, et puis c'était reparti. Et en fait, c'était... C'est horrible. Non, mais c'est horrible. C'est-à-dire que toi, tu galères pour enlever les cartes à l'autre, à l'adversaire. Donc, il n'en a plus. Toi, t'es content, et t'en restes 3-4 dans la main. Et puis, d'un coup, bah attends, je fais ça. Toc, toc, toc, toc, ça t'a coûté des ressources. Ouais, c'est ça. Il y a un monde où essayer de lui retirer ses cartes, bah, ça t'a coûté tes cartes à toi. Et puis derrière, il t'en remet plein, et t'es en mode, bah j'ai plus rien. C'est ça. C'est dégueulasse. Voilà. Mais je comprends totalement ces bans. J'aurais du coup, t'as dit que potentiellement tapé la glace à l'eau moi aussi, mais bon après. Ouais, mais il l'a dit, on verra après justement ce qu'il a dit Steve Warner. Du coup, t'as dit là, t'étais du côté, on va dire obscur, pas du côté obscur, du côté lumineux de la force de ceux qui ne trouvent bleu rouge insupportable. Du coup, du côté obscur de la force, quand t'es joueur bleu rouge. Bah c'est triste, franchement perdre le moteur de pioche, ça fait. Pardonnez-moi l'expression, mais chier. c'est franchement, faut retrouver. Donc il y a les ateliers de Maurice, donc partir sur une version peut-être un peu plus objet. Enfin voilà, faut tester, mais ça sera jamais aussi rapide que Flavorsham. Ça c'est sûr. C'est la fameuse carte Judy Hopps, non, que tout le monde parle là. C'est ça qui va remplacer Flavorsham. Ouais, il y a Judy Hopps, ouais, qui on peut bannir un objet et le propriétaire pioche. Pioche une carte, c'est ça? Le propriétaire de cet objet pioche une carte? Ouais, c'est ça. Ça pourrait se jouer, ouais, c'est à voir, hein. Faut tester. De toute façon, là, on est dans une phase où il va falloir tester pour les championnats de 7. Oui, qui arrive le 3 mai, je crois, ou le 2. Je sais plus. Oui, c'est ça. 2 ou 3 mai. Et toi, nos coups, Thomas, dis-nous tout. Ton point de vue. Moi, je suis quand même plutôt content de la banne, hein, parce que je jouais ni bleu rouge et bleu gris, on va dire, au set précédent, mais au set 7, je le jouais pas parce que j'avais pas les Tamatoa légendaires. Enfin, je les ai toujours pas d'ailleurs. Mais du coup, plutôt content parce que cette ban list, ils ont ciblé que 2 cartes, et ces 2 cartes ont permis de laisser de la place à plein d'autres decks. Maintenant, on voit du style song, on voit du vert gris, du violet vert, on voit du violet bleu. Enfin voilà, on revoit quand même beaucoup de decks différents. On voit violet rouge aussi revenir en force. Et ça permet une bonne diversité de decks et de builds vraiment différents. On ne sait jamais trop sur quoi on va tomber maintenant. Quand on joue contre quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il va jouer. Et bien, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup plus de diversité. Alors qu'avant, quand tu avais quelqu'un qui s'asseyait en face de toi, tu te dis, j'ai à 70%, c'est un bleu rouge ou un bleu gris, quoi. Donc, c'est quand même beaucoup plus agréable et ça nous stimule aussi sur le deck building, sur savoir quoi tester, enfin quoi jouer, et c'est vraiment beaucoup plus agréable. Ouais, je pense. Bah, en tout cas, moi, je suis content personnellement puisque je joue violet gris ou violet vert et je vais être content de me dire enfin, je vais pas avoir un deck en face qui va me pulvériser et m'empêcher d'avoir aussi ma chance d'avoir un tapis. Faut dire ce qu'il y a. Ou une carte enchantée, leur carte feuille, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais Hiro, oui, c'est Hiro. Hiro Hamada. C'est Hiro Hamada. Ouais. Voilà. Donc voilà. Et c'est... Maintenant, je pense que le ban permet de donner une chance à tout le monde maintenant. On verra. Peut-être, je sais pas, mais je crois, alors tu parlais du violet rouge, mais je crois qu'il y en a un qui a perf, mais je sais plus à combien tième il a fini. Il était pas loin du top 16, je crois. Mais deuxième, il y en a un qui a fini deuxième au tournoi de je vais mal le prononcer, vous m'excuserez, Ostler Meisterschaft en Allemagne. En Allemagne, voilà. Voilà. D'un tout point en Allemagne, voilà. Mais ouais. Il y avait le ban ou pas? Ouais. Oui, il y avait le ban, ouais. Pour celui-là. Ah oui, mais il y avait le ban, mais là, je te dis, c'est pour je te parle du tournoi de Vernon, je crois qu'il y en a un violet-rouge qui a été pas dans le top 16, mais qui était pas loin. Non, c'est possible. Il y avait un violet-vert, il me semble aussi. Ouais, peut-être c'était violet-vert. Ouais. En tout cas, il avait été filmé, mm-hmm. En tout cas, j'ai ce souvenir-là. Bon. Bah justement, je vous propose de lire un petit peu, enfin je ne vais pas tout lire, mais le point de vue de Steve Warner, justement, qui explique pourquoi il banne ces deux cartes, donc qui sont Flavorsham, comme tu disais, qui permettait, de, lorsque tu l'envoies en aventure, de bannir un objet pour piocher deux cartes, et la Fortisphère, sphère d'endurance. Voilà. Comme Revan, je pensais que tu es glace à l'eau. Prioritairement qu'elle est bannie, puisque c'est celle qui revient tout le temps. Mais en tout cas, il explique que justement, il pensait dans un premier temps bannir la carte Glace à l'eau, mais il l'a gardée, puisqu'il explique que pour lui, Glace à l'eau sans Flavorsham continue d'apporter de la valeur à certains decks basés sur une stratégie objet. Voilà. Et que ça reste en phase avec le Saphir. Voilà. Parce que le Saphir, c'est beaucoup d'objets. Ouais. Et donc laisser la glace à l'eau jouable, c'était pour lui, je pense, enlever le cœur entre guillemets avec un grand C du jeu de sa fille. Voilà. Donc ils ont concentré leur force de bannissement sur Flavorsham et Fortisphère. Alors il explique dans un premier temps, c'est parce qu'en fait, attendez deux secondes, que voilà, là, c'était pour un l'impossibilité pour les joueurs adverses d'interagir avec Flavorsham. Ce qui rendrait très frustrant. Alors ça, si je me trompe pas, c'est un d'attaque et 6 de volant, 1-6, ouais. Ouais, 1-6, ouais, c'est surtout que son effet arrive quand il, enfin se déclenche quand il arrive en jeu, donc là tu peux rien faire. Tu peux pas, enfin c'est très compliqué de d'empêcher ça, et aussi quand il part à l'aventure, et comme c'est une 1-6, c'est aussi compliqué à bannir. Donc, ouais, ah oui, complètement, c'était vraiment difficile. Deux personnages pour le bannir, hein. Minimum, sauf si t'as de la chance d'avoir un Merlin Crabe, une bagarre, et... une 6 sous, mais bon, faut jouer bleu ou un Merlin Crabe avec une Madame Mime, avec un peu de chance, mais ouais, il fallait, voilà. Voilà, et il expliquait que justement, alors, je pense qu'il parle de la frustration de beaucoup de joueurs, justement, on en parlait tout à l'heure, à se voir littéralement laminé par bleu rouge ou bleu gris, et justement pour éviter les joueurs d'être écœurés, on va dire ça, de jouer à leur cana, eh bien, ils ont décidé de bannir. Alors, la question que je vais vous poser, c'est la question que, à votre avis, c'est un bannissement définitif ou pas? Parce que moi, j'ai pas, en lisant, j'ai pas l'impression qu'il soit définitif. On a l'habitude de d'autres TCG, on vient de Yu-Gi-Oh! Nous. Et Yu-Gi-Oh! Il y a une ban list qui est, je sais pas, je dirais tous les deux mois peut-être. Tous les deux, trois mois, il y a une nouvelle ban list. Et, ouais, plus ou moins un mois, mais oui, c'est ça. Ouais, et ben, il y a des cartes qui sont bannies, limitées, semi-limitées, bref. Et t'as des cartes qui sortent de la ban list, qui étaient bannies. Et qui soit sont complètement débannis, donc on peut les rejouer dans Yu-Gi-Oh! C'est x3 maximum, ou en x1 ou x2. Voilà. Donc, une carte peut tout à fait sortir d'une banlist dans un TCG. Je pense que pour l'Orcana, ça va être la même chose. Plus les sets vont avancer et plus va y avoir du power creep. On va dire les decks vont devenir de plus en plus forts, les cartes de plus en plus fortes. Et peut-être qu'à l'avenir, une carte comme Flavorsham, eh bien, sera en termes de puissance quelque chose de normal, voire même de plutôt dépassé ou has-been, on ne sait pas. Et donc, peut sortir de la banlist. Ouais, donc du coup, tu confirmes l'idée que quand je lis, je peux penser que c'est pas définitif, du coup, par rapport à. Ouais, okay. Ils se gardent une porte de sortie quand même, parce que s'ils disent qu'elle ne l'a tout jamais bannie, si à un moment donné ils vont se disent qu'elle peut le revenir, bah il faut pas non plus qu'ils se contredisent. Donc du coup, c'est pour ça, je pense aussi qu'ils se laissent une porte de sortie. Moi, si je peux ajouter un truc sur le côté banlist. Avoir fait une banlist juste pour gérer un problème, je trouve ça un peu dommage. J'aurais potentiellement regardé au-delà de tout ce qui va se faire après, pas forcément pour bannir plus de cartes, mais peut-être pour limiter certaines. Voilà. Je pense à des cartes qui vont très certainement, par exemple le Diablo. Le Diablo, là, il va être en mode roue libre. Il est déjà en mode roue libre. Et en fait, pour moi, le Diablo aurait été pas ban. Parce que, pareil pour Flavorsham, je l'aurais pas forcément ban. Je les aurais limités, peut-être à max 2. Voilà. Ouais. Après, le problème de Flavorsham, je le comprends, le 1-6 ingérable par tous les autres, sauf rouge. Oui, parce que Diablo il est gérable. Diablo est plus gérable déjà. Donc. Je comprendrais qu'on laisse le Flavorsham banni. Mais c'est vrai que le Diablo qui arrive T2, maintenant il n'y a plus Bucky, vous me direz, mais le Diablo fait toujours aussi mal. Vous êtes un peu d'accord lorsqu'il explique qu'il y a Warner, si j'ai bien compris, que pour lui, garder Flavorsham, parce que c'est l'endurance, en fait, porterait atteinte à l'équilibre du jeu pour vous. Ouais. Complètement. Ouais, de toute façon, tu le vois dans les tournois. De toute façon, là, depuis que ça a été ban, on regarde les stats des derniers tournois et il y a des couleurs qui sont réapparues qu'on avait oublié l'existence. Hein. Ouais, ambre vert, par exemple, j'avais complètement zappé celui-là. Voilà. C'est celui-là que je voulais dire, non ? Moi, j'avais ambre rouge. J'ai vu pas mal de decks ambre rouge ressortir là dernièrement. Du coup, ça fait plaisir de voir un top, même aller top 16, pour pas dire top 8, où il y a plus que 4 couleurs. Hein, Thomas ? Il y a le top 118. Je suis content. Hein. T'as plein de couleurs, là. T'as plein de couleurs. Je rigole. Tu m'en veux pas de taquiner. Non, c'est bon, c'est bon. Je me rattraperai sur le prochain tournoi. C'est ça. C'est de la faute des bleus gris et des bleus rouges. C'est de la faute à eux. C'était pas ma méta. Non, c'était pas ta méta. Ok. Eh bien, les amis, maintenant qu'on a parlé du ban, je pense qu'on a fait le tour des deux cartes bannies. Je pense que, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter en plus, mais non. Voilà, c'est pas plus mal quand même qu'ils étaient bannis, je trouve. Voilà. Oui. Ça a fait plaisir à beaucoup de monde. Ouais, et puis même, je t'avouerai, quand t'es spectateur, sur Twitch, là. Ouais. Pour le coup, encore un bleu gris. Ah bah comme il y a des variantes, hein. Il y en avait le bleu gris objet et puis le bleu gris midrange comme tu dis. Un bleu rouge. Ah encore un bleu rouge. Ah un bleu rouge contre un bleu rouge. Même tu vois aussi c'était à la fin tu regardais même plus quoi. Tu dis bon voilà. Bah c'est ça. Moi j'étais à Lille il y a 2-3 semaines maintenant et j'ai casté un tournoi du coup. Donc moi j'étais côté commentateur. C'est vrai que commenter du bleu rouge, du bleu rouge et du bleu gris, à un moment donné, on ne sait plus trop quoi dire parce que on fait que se répéter et au final, on n'arrive plus trop à savoir quoi dire. Et tu espères qu'un arbitre te dise attends, on a peut-être un deck spécial telle table et tout. Alors pour le coup, la première partie avant les tops, la top cut, on prenait un petit peu aléatoirement, on avait regardé les decklists des joueurs et dès qu'il y avait une decklist assez rigolote, on appelait les joueurs sur la table de stream pour pas que ce soit toujours les premières tables. Et là, tu découvres c'est des enfants de 6 ans. Non. Et ils étaient dans leur tournoi, du coup. Mais c'était sympa de voir de voir d'autres decks que les tops, de mettre des gens en avant qui n'ont jamais l'occasion d'aller en haut parce qu'il y a toujours des gens qui sont plus forts qu'eux. Et c'était assez rigolo. Et puis, à un moment donné, on a même réussi à avoir une table full féminine et on était très contents. Et c'est d'ailleurs, à vous commenter, souvent, ce que j'ai pu voir, mais le truc, c'est que quand tu es spectateur, je me souviens, je ne sais plus c'est quel tournoi, je crois que c'est l'Or Canadais. Oh, je ne sais plus. Ils ne filmaient pas forcément les premières tables. Des fois, ils prenaient une table. Ouais. Oui, le L'Or Canadais, c'était Yomi. Qui castait, et du coup il était avec nous dans la team pour caster le tournoi des Illumineurs, et c'est lui qui a eu l'idée de caster d'autres tables que les tables, donc ça m'étonne pas. Je trouve ça bien en fait. Non mais c'est bien parce que en fait c'est pas parce que tu t'appelles pas X ou Y que tu mérites pas aussi d'avoir voilà, puis si jamais tu veux être casté, de toute façon tu seras casté forcément le deuxième top jour cut. Top cut quoi, donc du coup c'était pas casté dès le début, c'est pas grave. Oui, plutôt pas mal. Et puis c'est un petit exercice sympathique pour ceux qui l'ont jamais fait. Oui, c'est ça. Voilà. Puis même ça montre combien que ça reste un jeu populaire, tu vois. Bah oui, c'est un jeu populaire. Tu dis tiens il y a une table avec deux femmes comme tu dis, hein. Ça peut être, tiens on va le faire, ou tiens il y a un deck comme tu dis un peu original, tiens, on va faire ce deck là. Alors, pour le coup, on les a pas pris parce que c'était des. Non, j'ai pas dit filles. Ça. Hein. C'est parce qu'il y en a une des deux qui avait un deck original et il s'est avéré que c'était deux filles. Et du coup, on s'est dit, banco, hein, ça va être encore plus sympa. Mais ça devait être sympa à commenter. Bah ouais, du coup. Ouais, franchement, ouais. C'était cool parce que du coup, c'était. En plus, les deux faisaient partie d'une team. Donc, c'était assez rigolo de les voir s'affronter. Il y en avait une qui était un peu stressée parce qu'elle n'était pas du tout habituée. Et du coup, ça l'a même un petit peu trop stressée. Et puis, elle a fait des petites erreurs. du coup, bon, ça peut arriver. Mais ça peut arriver, voilà. Mais du coup, c'est aussi un exercice qui est sympa à faire. Et du coup, ils étaient très contents de l'avoir fait. Bah, tant mieux. Bah, voilà. Donc, du coup, plaisir partagé, je pense, puisque tu peux commenter un match spécial avec des gens avec des cartes spéciales. Ça peut être pas mal. Voilà. En tout cas, ça fait un jeu populaire et c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que quand tu es spectateur et que tu vois que c'est tout le temps les mêmes decks et en plus tout le temps les tables duo, t'aimes bien un petit peu. Voilà. D'ailleurs, pourquoi pas caster un jour, pas tout un tournoi pour enfants, mais un petit tournoi genre de gosses. Vas-y, venez jouer. Ça peut être marrant, voir comment ils réfléchissent. Voilà. Parce que c'est pas forcément les mêmes decks que nous. Hein. Voilà. Non, donc, c'est vrai. Ma fille, c'est un deck méga aggro, du coup, c'est pas évident. Voilà, des fois. Il faut trouver sur les bonnes cartes. Bref. Je pense qu'on a fait le tour pour les bans. Moi, je voulais parler un peu du 7-7. Alors, l'arrivée des cartes bicolores. Et si vous vous souvenez, c'est avec vous qu'on en avait parlé. Ouais. Non, vous vous souvenez pas? Benji, regarde, il y a deux couleurs sur son trident ou sur son bras, oui. Je ne sais plus. Et vous aviez raison. Il y avait bien des cartes bicolores. Ça fait quoi d'avoir raison? Après, on avait dit plein de choses, mais c'est vrai que c'était. Ah non, là, on va retenir que ce qui était vrai. Voilà. Ouais, mais ça, c'était méga vrai au final, parce que vous avez dit, je me souviens très bien. Vous aviez dit Benji, on pense qu'il y aura les cartes bicouleurs parce que on a pris la photo du 7-7 là, je sais plus lequel, et puis si on a vu, oui, c'est vrai que Volt est la moitié ambre et acier aussi. Puis il y avait tous les Illumineurs qui avaient leur petit objet qui avait une double couleur d'ambre. Voilà. Et vous aviez raison. Voilà. Vous aviez raison, bravo. Si Warner n'a qu'à bien se tenir. Eh ben justement, qu'est-ce que vous en pensez ça de ces cartes double encre bicolore Est-ce que vous trouvez que c'est un ajout par rapport aux anciens sets, ou est-ce que pour vous ça change pas grand chose au final? Je dirais que pour certaines cartes, on voit vraiment qu'il y a un intérêt à jouer cette double bicolorité. Il force un peu les joueurs à jouer cette bicolorité. Par contre, il y en a d'autres qui sont bicolores et qui n'ont pas des effets terribles, voire les cartes sont même mauvaises. Donc ça, c'est un peu dommage. Il aurait fallu vraiment que les cartes bicolores aient un effet vraiment plus puissant qu'une carte d'une couleur simple. Thomas ne vise pas du tout, les bicolores sont un dalmatien. Voilà, par exemple. on va dire, je trouve qu'elles sont pas assez fortes. Voilà. Je dirais plus sur tout ça. Et toi, Revan? Moi, je pense que c'est le début des bicolores. Ouais. Certes, elles ne sont pas assez fortes, mais je pense que dans le futur, elles pourront être très bien. Pas forcément celle-là, mais voilà, peut-être qu'il y aura des bicolores qui vont sortir, qui vont vraiment dire ah bah, il faut à tout prix jouer cette carte-là, et donc ça bloque les couleurs. Déjà, tes couleurs sont choisies parce que tu veux jouer cette carte-là. C'est un peu ce qui s'est passé avec le Mushu au final. Oui. Le Mushu était très prisé, donc tout le monde s'est dit je veux jouer Mushu. Du coup, ça bloque en rouge-gris. Et il y a des decks qui se sont faits autour de ça, des héros Mushu. C'était sympa. Après, ça ne peut pas être tier 1 encore. Mais voilà, faut donner du temps. Mais c'est un deck qui sort du lot. C'est un deck sympa. C'est rafraîchissant. Est-ce qu'il est sympa à commenter? Tu sais pas, t'es pas encore tombé dessus. Alors, je suis pas tombé dessus en tant que commentateur, mais je pense que ça peut être très sympa à commenter parce que du coup, déjà un, ça sort de l'ordinaire. On parle d'autre chose et du coup, ça motive plus déjà à essayer de voir les possibilités, le potentiel que le deck a à offrir. Bon, mais alors c'est le deck Mushu. La particularité, c'est comme le deck, je sais plus, Mufasa Roulette, ça tourne vraiment autour de Mushu, quoi. C'est la bicolore en fait, tu as celle-là dans ton deck et tout ton deck tourne autour de cette carte-là. Voilà. C'est ça. En fait, il faudrait plus de bicolore, enfin dans le même deck, plus de bicolore qui rapporte une plus-value. J'ose espérer que pour le prochain set, le violet gris illusion Jaffar, franchement, si c'est pas maintenant, ça sera jamais, va pouvoir décoller. Tu parles du cobra géant, c'est ça? Le cobra géant, Raja. Il y a un Jaffar. Il y a Jaffar, mais il y a le Yago. Raja. Il y a le Yago. Ah, le gros Yago, là. Ouais, il fait mal, lui. Après, le problème de toutes ces cartes, c'est que si elles sont ciblées, ils partent, quoi. C'est l'effet des illusions. Dans une méta où potentiellement, si le son revient, c'est peut-être pas qu'il faut le sortir. Juste pour informer, c'est que si jamais vous avez fait une action sur ce personnage-là, il est automatiquement banni. Même si. Ou une chanson. Enfin, action, chanson, c'est la même chose. Mais en tout cas, oui, une chanson, c'est une action, je crois. Oui, c'est ça. Une chanson, c'est une action. Sur la carte, je vois, c'est écrit action, chanson. Et donc, en fait, même si ça vous touchait un ou deux, en fait, bah, il disparaît quand même. Donc, dissipation. C'est ça. Dissipé. Voilà. Il n'y a plus de Yago, il n'y a plus de rage. Voilà. Sauf si on a Jaffar. Sauf si on a Jaffar. Voilà. Jaffar, ouais, qui dit que les personnages illusions qui sont bannis reviennent dans la main. C'est ça. Et ça, c'est cool. Ouais. Ça, c'est cool. Mais il n'y a pas assez de personnages illusions. Donc aujourd'hui, ce Jaffar, malheureusement, il ne peut pas être joué. C'est ça. Vous pensez qu'il y aura d'autres personnages illusions après? Ouais. Oui. Enfin, avec le prochain avec set. Le retour de Jaffar. Ouais. C'est pour ça que je dis que s'ils ne sortent pas au prochain set, ils ne le feront jamais. Ah ouais. Ouais. Bon, on verra. Ouais. Bon, on verra. En tout cas. Quelques questions à vous poser. Alors, je vais vous proposer de me donner à tous les deux cartes coup de cœur de la couleur de votre choix. On va commencer par Revan. Waouh! T'inquiète pas, t'auras une troisième bonus. Y a... Je vois en bleu rouge. Bah, j'ai dire. Envie de dire Tamatoa. Au hasard. Alors, explique-nous. Voilà, un peu. Tamatoa qui est une 6 ancrable 4-5. Et pourtant, en crabe, parce que c'est un vrai crabe, en plus. Eh oui, enfin, en crabe. Ouais, non, mais crabe. Je l'ai, j'aime bien. Merci, c'est gentil. Lui qui était quand même, pour relancer la pile au moteur de pioche, bon, j'en ai parlé un petit peu avant avec Clavercham, mais c'était quand même génial, ou pour récupérer des objets qu'on avait, qu'on avait cassés, comme la spirale de saphir qui était très forte. Alors ça c'est là maintenant c'est ma carte coup de cœur. C'est la plus là du coup. Non, t'as droit à deux cartes coup de cœur. Donc t'as dit la Tamatoa et la deuxième c'est quoi? C'est la spirale de saphir. Bah, je dirais que oui, c'est la spirale de saphir parce que ça allait bien, enfin je veux dire dans le deck. Je pense que Thomas lui, je pense savoir déjà une des ces deux cartes qu'il va dire. mais ça sera pas du bleu pour Thomas, c'est sûr. Alors maintenant tes cartes, allez, donne-moi deux cartes des outsiders, voilà, on va dire ça. Alors Bagheera, Depuis que j'ai vu Bagheera, c'est vrai, je suis fou de Bagheera. J'ai qu'une envie, c'est qu'il soit joué. Je le joue dans mon deck. Je veux le voir perf Bagheera. Je le joue dans mon deck. Ah, c'est un deck gris quoi ? Gris-violet. Gris-violet. Ah, pas mal, pas mal. Et je vais me tenir, j'ai deux Bagheera et trois Gantou. Ah oui. Pas de chanson, quoi. Ah non, et pas d'objet non plus. Enfin, ça coûte... Non, les actions, pardon, pas d'actions. Les objets aussi, je crois qu'ils coûtent plus cher. C'est plus 2, je crois, à chaque fois. Plus 2, c'est plus 2 ans. Donc, du coup, ça t'empêche de faire des chansons et des objets. Voilà. Bon, les amis, si vous les embêtez, les bleus à objets, bah, du coup, tu mets des Gantou. C'est voilà. Ça. Et sinon, ma deuxième, bah, je dirais le Hiro Hamada. Le Hiro Hamada, je l'aime beaucoup aussi. Petit côté. Enfin, il y en a plusieurs, alors il faudrait que tu donnes laquelle. Ah, bah l'Alter. L'Alter qui dit si vous avez utilisé une capacité Alter pour jouer ce personnage, tous vos personnages Alter gagnent insaisissable et hors d'atteinte. C'est ça. Ça, c'est bien ça. Ouais. Mais il faut avoir pas mal d'alter aussi dans son. C'est un peu dur à jouer. Bah, et du coup, c'est. Parce que je crois que c'est une carte bicolore, en plus. Oui. Violet-vert. Du coup, ça force à jouer violet-vert, dans lequel il y a aussi le B-max, l'alter universel. Non, c'est violet-bleu. Non, c'est bleu-vert. Non, c'est bleu-vert. J'ai dit quoi ? T'as dit violet-vert. J'ai dit violet-vert. Le seul violet-vert que je connaisse réellement, c'est Kronk. Il y a Diablo. Et il y en a encore un. Isma, il y en a un aussi. Ouais, c'est ça. Du coup, ouais, c'était le. Et le Lama, Cusco. Il y a un Cusco. Ouais. Ouais, Cusco aussi, ouais. Et du coup, je vais juste m'arrêter vite fait sur le B-Max qui a amené aussi le mot-clé Alter Universel qui est plutôt sympa aussi. Il peut aller sur n'importe quel personnage, je crois. C'est ça. Voilà. Donc, voilà. Allez, un autre outsider ou pas pour toi? Un autre outsider de celui-là, les Rapetous. Alors, je m'explique. Tu vois, Thomas, t'avais pas dit couleurs inutiles. J'avais proposé son dalmatien, mais alors celle-là. En fait, il y a une carte depuis le feu Flaversham. Si défendu les Rapetous, là, tu vas avoir de mal, sans les rames. Depuis feu Flaversham. Je cherchais une carte à 4 qui pouvait rentrer dans le deck pour combler la curve. Et en fait, c'est vrai que je suis tombé sur le Rapetou qui est une 4 ancrable 3-3, donc qui a les mêmes stats qu'une Tala, qui l'or pour 2. Bon, jusque-là, c'est OK. Et en fait, à chaque fois que ce personnage part à l'aventure, on peut choisir un de nos personnages qui gagne charge et résiste plus 1. Pour reste du tour. Et en fait, dans ma tête, j'ai vu un pattern en mode je joue les Rapetous, et le tour d'après, je joue un Maui Shark, je pars l'aventure avec le Rapetous, et le Shark peut direct taper sans avoir besoin d'utiliser une Vitasphère. Voilà. Et j'ai bien kiffé. Mais ça va être compliqué à sortir, je pense. Tu l'as fait une seule fois. Alors, je l'ai testé. Alors, il bloque l'adversaire. L'adversaire ne va jamais partir à l'aventure tant que le Rapetous est redressé. Et ça a temporisé pas mal la game. Après, je l'ai fait pas forcément sur le shark. Voilà l'effet. J'ai essayé Thomas pas forcément pas l'air sur le shark. Convaincu, hein. Mais c'est pas. Non, bah, je vais arriver sur la outro parce qu'il faut tester avant de juger. On a le droit de te juger, excuse-nous. C'est que c'est trop lent en fait. Le problème, c'est que Tamatoa a apporté une value au moment où on l'a joué. Il y aura peut-être pas du tout. Tala apporte une value quand on la joue. Là du coup c'est pas possible de jouer le Rapetou dans le deck blanche, mais voilà, moi je me suis fait mon petit kiff à tester le Rapetou qui quand il sort c'est rigolo, voilà. Je me le suis pris une fois. Je retiendrai une seule chose: quand il sort c'est rigolo, voilà. Oui Thomas, tu as joué une fois contre un Rapetou. Ouais, et ouais. Je m'y attendais pas, c'était après la banlist. Les gens testent des trucs pour jouer bleu-rouge. Ah, voilà. Et je me le suis pris, et il a joué shark, et je me suis pris le shark qui avait charge et résistance. Je m'y attendais pas, ça fait mal. Ouais. Ouais. Voilà, mais la probabilité de le sortir est quand même pas ouf. Et le timing est pas bon. C'est ça. Le Rapetou n'arrive pas T5, quoi. Donc, du coup. Ouais. Bon, Bon, après, faut tester. C'est l'avantage de ce jeu l'Arcana, je pense qu'on peut tester plein de decks, comme vous dites, et puis se faire plaisir avec des cartes qui sortent de l'ordinaire. D'ailleurs, si on regarde bien, il y a pas mal de gens qui arrivent dans le top des tournois avec des cartes qu'on n'attend pas. Hein. Moi, je me souviens, je sais plus lequel, où il y avait des Madame la Bonne Fée, là, c'est tout début des l'Arcana Challenge. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez, le deck qui sort de nulle part que personne pensait. Et en fait, il a fait top 1. Ouais, c'est ça. Enfin, il a fait top 1. Voilà, c'est toujours pas mal de. Moi, je me souviens que des fois, je mets des cartes. Alors, il y a un truc que j'ai joué, moi. Vous savez, je joue violet gris et violet vert. Et dans mon violet vert, j'ai mis le jasmine. Tu sais que quand tu la poses, ton adversaire se défausse une carte. Et quand il la défie, il se défausse une carte aussi. Et vu qu'elle l'or à deux, bah, du coup, je la pose, l'adversaire se défausse une carte. Et puis quand je l'envoie à l'aventure, bah, vu que ça a l'or de deux, ils veulent tout de suite la tuer. Du coup, ils se défausse une carte. Et j'ai réussi à gagner pas mal de matchs comme ça grâce à jasmine. Bon, elle n'est pas en crabe. Ça, c'est un peu chiant. Mais en tout cas, il y a des cartes comme ça qui sortent de l'ordinaire, comme les Rappetou, qui permettent de surprendre l'adversaire. Thomas a été surpris. Oui, Dieu, c'est ça. Mais c'est qu'un one shot en fait. Le problème, c'est que la surprise, ça marche qu'une fois. Tu vas pas m'avoir. Thomas, alors, donne-nous deux cartes coup de cœur. Coup de cœur, moi, mon premier coup de cœur du set, c'était le Pat Pirate de l'espace. Ah oui, je pensais pas que c'était celui-là, tu vois. Ah ouais? Tu pensais non. À quoi, toi? Attends, bah, dis ta deuxième, je te dirais si c'est ça. Bah, je sais pas, mais en tout cas, cette carte-là, ouais, elle me plaisait bien. Elle me enfin, c'est le premier deck que j'ai vraiment voulu. Ah, d'accord. Donc, elle est le pat, il coûte 6, ancrable 5-5, il l'or pour 2. Il est alter 4. Et. Tant qu'il est épuisé, les autres personnages adverses ne peuvent pas chanter des chansons. S'épuiser pour chanter des chansons. Voilà, c'est ça. Et les autres personnages pirates ont résistance plus 1. Donc, il se donne à lui-même résistance plus 1 aussi quand il est épuisé. Donc, cette carte-là m'a vraiment donné envie de jouer Vergris au tout début du set. Parce que tu peux l'altérer sur le pat arbitre, celui qui empêche de jouer des actions, parce qu'il coûte 3, et donc au prochain tour, directement, tu peux l'altérer avec ce pat alter. Ouais, bah même là, justement, aujourd'hui, avec la banlist, le deck est vraiment, vraiment jouable, même plutôt très bon. Donc, ce pat alter, souvent, on le voit en x2, x3, même parfois x4. Dans les decks vergris. Voilà. Il y a Dark Vador dans la chambre. Ouais, il y a ma femme qui est derrière. Ah oups, non, mais c'est avec son téléphone. Dark Vador. D'accord, c'est Dark Vador, c'est ma femme. Elle entendra. Et ta deuxième carte coup de cœur. Deuxième carte coup de cœur. Bah, tu pensais à quoi, toi, Raven? En fait, au tout début du set, tu me parlais beaucoup du Cobra géant, quand même. Ouais. Alors moi, c'est ma carte coup de cœur, moi, celle-là. Alors, j'ai pas beaucoup joué le deck, mais cette carte-là, je la trouve vraiment très forte. Elle m'a sauvé des parties, celle-là. Ça rend le deck violet-gris vraiment, vraiment très fort, et avec un bon finisher de fin de game aussi, puisque quand il arrive en jeu, on peut décider de défausser une carte et gagner 2 éclats de l'or. Et pour 3, c'est une 4 d'attaque, 4 de vie, il l'or pour 1. Donc, il a des très grosses stats. Et en plus, il fait gagner 2 de l'or si on défausse une carte. Par contre, il a le mot-clé dissipation qui, quand il est ciblé par une action de l'adversaire, il est banni, il disparaît. Voilà. Mais c'est très, très fort. Ouais. Et alors, du coup, ta deuxième carte coup de cœur, c'est pas celle-là, du coup, au final? Bah, c'est si. Surtout parce que j'ai très peu joué violet-gris, mais c'est vrai que j'aime bien la carte. Après, je saurais pas trop quoi te dire. Attends, je cherche. Vas-y. Bah, j'aime bien le peut-être Mouchou. Deux Outriders. J'ai pas joué, mais j'aime bien le Mouchou. Mouchou qui est très très cool, on en a parlé. Hein. Coup de 5, ancrable. Ouais. 4 d'attaque, 4 de vie. Il donne résistance plus 2 quand on défie avec un perso. Et on gagne 2 éclats de l'or aussi. Donc, c'est très très fort. Mais malheureusement, le deck manque de pioche. Et donc, à cause de ça, il n'est pas assez fort. C'est le problème des rouges-gris. Hein. Ça manque de pioche. Ouais. Enfin, ouais. C'est l'impression que j'ai. Je ne joue pas en rouge. Il faut jouer les profs, les bêtes. Et, ah tiens, d'ailleurs, les bêtes. Moi, j'ai l'impression que les bêtes, c'est maintenant qu'il faut revenir sur les bêtes. Explique-nous pourquoi. Ben, je sais pas, j'ai un feeling comme quoi la bête elle va revenir là. Mais il y a une bicolore bête, rouge. Pas celle-là, celle-là, non, c'est la poubelle. C'est la grise. La grise qui fait... Thomas. C'est ça. Fait partie. Voilà, ok. C'est bon, non, la grise qui fait piocher deux au début de tour. Enfin, piocher un de plus au début de tour. D'accord, ok. Bon. Il y a d'autres cartes qui sortent du lot. Moi, je pense au Bagheera, effectivement, qui est pas mal. Qui rempart et qui, si jamais il est banni, il aura deux. Et si jamais il est banni, tous les adversaires ont moins deux. En deux de dommages, je crois. Donc, ça te permet de peut-être même vider le board d'en face. Parce qu'au final. On va le jouer si en plus il peut chanter un Tion la bête. Il met 4 à lui tout seul, c'est pas mal. Oui. Ah oui, j'avais pas pensé ça. Bien joué. C'est gratuit. Merci l'astuce. J'y avais pas pensé. Bah, écoute, ça, je mets des Tions la bête dans mon deck. En fait, le problème de Bagheera qu'il avait, c'était que c'était trop tard dans la game, en fait. Pour le jouer. Mais maintenant, je sais pas si avec la disparition, avec la banlist, on va pas parler de disparition, avec la banlist, est-ce qu'il y a un monde dans lequel où jouer des Bagheera, ça peut fonctionner? Bah moi, ça j'aime bien. Voilà. Jouer Bagheera. J'en ai que deux, hein. C'est pas non plus à mort dans un deck, mais voilà. Oui, c'est sûr. Faut pas faire son deck autour de ça. Non. Il y a une carte que j'adore. Qui m'a sauvé tellement de parties, c'est la Donald, magicien sorcier, là. Ou l'adversaire est obligé de le ravir à 25. Mais ça m'a tellement sauvé de game. C'est-à-dire que j'avais 12, 13, l'autre avait 18, 19, tu sentais bien. Là, tu la sors. Et là, tu l'as. Non. Là, tu l'as. Là, t'as Oné Marraine, t'as Cobra Géant, t'as Merlin Chèvre, voilà, boum, boum, boum. Ah, et là, du coup, ben. Non, enfin, je sais pas, toi, Thomas, tu la voyais pas, elle. Tu joues violet, toi, un petit peu. Ouais, je joue violet, ouais. Ouais, mais ouais. Du coup, celle-là, non, pas plus que ça. Bah, en fait, je trouve qu'elle est bien dans un deck un peu contrôle qui veut empêcher l'aggro de finir. Donc, je la vois surtout dans un violet-rouge, ouais. Ah oui, dans un violet-rouge, ok. Bah, moi, dans un violet-gris, ça marche. C'est, ouais, ça m'a servi pas mal. La carte est cool et puis l'effet est sympa, ouais, l'effet, et même un peu drôle, tu vois. C'est bah cool. Oui, parce que moi, j'ai encore en tête... C'est bon, je crois que j'ai gagné. Là, je fais attends. C'est quoi cette carte? Du coup, allez, t'as encore 6 points à faire. Vas-y, bon courage. Parce que c'est à mon tour maintenant. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Voilà, celle-là qui sort du lot. Et il y en a une autre que j'aime bien. Bah, c'est la Lady qui est verte et ambre. Alors, attends, je sais plus c'est quoi son pouvoir, mais j'avais bien aimé. Ah, j'ai vu que t'avais dit les personnages. Ouais. De quoi? Tu récupères deux personnages, c'est ça, quand tu la joues? Ah ouais, c'est ça, ouais. Celle-là, je la trouve un peu stylée, aussi. J'ai cru que tu allais dire Lady Tremaine, verte. C'est... Hein? Non. Ah si, il y en a une, mais... Non, il y a si. Oui, ouais, elle est ridicule, elle est nulle. Ouais, elle est nulle. Il a eu peur. Dans la boîte à cartonnée de Thomas. Il y a une Lady verte, dans ma tête, j'ai fait vite la transition. Non, c'est la belle... Ouais, la Lady bicolore orange, enfin orange ambre. Celle-là est bien, mais il faut jouer vert ambre, quoi. Donc, vous jouez pas vert ambre, vous, non? Non. Non, moi je suis plutôt un joueur de rouge de base. Donc ça va être bleu, rouge, violet, rouge. Ouais. Comme bah, Thomas, c'est violet de base. Je suis plus ça. Gris, moi. Plus gris. Ah, t'es gris de base. Ok, j'aurais plus. Ouais. Ok, bah moi, c'est violet de base. Ok, t'es plus gris. Ok, vous avez chacun. Du coup, en fait, vous faites un deck avec votre couleur préférée, rouge et gris. Et puis là, vous choisissez une autre couleur. Voilà. Après, en fonction des méta, on change. Ouais. Il y a eu une méta où je jouais violet-vert. Mais sinon, je... Les deux decks que j'ai le plus joué, c'était jaune-gris et vert-gris. C'est les deux decks que j'ai le plus joué. Ouais, style song que vous êtes tout à l'heure, non? Ouais. C'est ça. Ok. Bon, bah voilà, pour faire un petit point sur les cartes coup de cœur, ça fait quand même pas mal de cartes que vous avez bien aimées au final. Enfin, que vous aimez bien. Ouais, moi j'ai bien aimé le 7, en vrai. Hein. C'était... Ouais. Enfin, le les 7, animaux. Et puis avec les animaux, c'est pas mal aussi. Il y a pas mal de bonnes cartes, et les enchantés sont magnifiques aussi. Ouais. Petite mention spéciale au Jafar enchanté. Moi, c'est vraiment ma préférée. Ah bah moi, c'est la Donald enchantée. Toutes les extensions. Ah ouais. Ok. Ouais. Ah, la Donald dans son jugement, ce jugement, toi. Ah ouais? Bah Ok. ouais, non, mais c'est étonnant. Enfin, je veux dire, il y en a plein, tu vois. Non, mais il juge, mais tu vois, il met des cartes à la poubelle, donc. bon, on va parler un peu du 7-8, les gars, qui arrive bientôt d'ailleurs, dans un mois et demi. Ça va vite en fait, au final, ça les enquille. Ouais, Les vite. 7, après il y a une grosse pause hein, quand même. Je crois que c'est en octobre les prochains, je crois. 7-9, c'est pas en octobre, donc il y a une grosse pause Ouais. là. Mais du coup, on sait pourquoi. Enfin, on sait pourquoi. Enfin, moi, j'ai un doute. Je sens qu'on va avoir du C'est fameux. challenge qui va tomber d'un L'Orcana, à coup. mort. Ouais. Bah, justement, j'allais en parler tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure si ça ne te Allez, dérange vas-y, ne pas, brûlons pas Révan. les étapes. Mais non, mais tu souhaites pas. Bon, on peut en parler maintenant, mais bon, autant Non, faire le non, mais. 7-8 maintenant. Donc, le 7-8, le règne de Shaffa. Voilà. On a commencé à avoir quelques previews pour ceux qui ont été, comme moi, au challenge européen, finale européenne, Disney, Land Yes. Paris. Ils avaient fait la promo. Et j'avais même plus l'impression que les gens attendaient le 7-8 sur le règne de Jafar que le 7-7. Et Mais bon. tellement. Voilà. Avec un excellent et beau Jafar, avec cette fameuse couronne. Alors, je sais plus comment elle s'appelle, la Et couronne ça sort. Exasor. Voilà. Alors, je croyais qu'elle était cassée, de base, de ce que j'avais vu, parce qu'elle était brisée. La couronne brisée, d'ailleurs, il y a un objet, couronne brisée. Oui, Mais en fait, j'ai c'est l'impression qu'elle n'est plus brisée maintenant. Elle est réparée. Voilà. Alors, c'est. On fait les histoires, justement. On a fait plusieurs vidéos sur les histoires J'allais de justement vous l'Orcana. en parler de Ah. vos histoires. Juste, je vais dire là, et après vous allez vous parler de l'histoire. Puisqu'ils font des vidéos histoire. C'est vrai. Donc, si je lis le site internet de l'Orcana, Jafar, sa couronne, son royaume, Jafar s'est emparé de l'île d'Arcasia. Donc, on est toujours sur Arcasia, au final. Voilà. Ouais. Il a corrompu le magnifique havre de paix pour en faire sa forteresse menaçante. Son règne pourrait bien être la plus grande menace que l'Orcana ait connue. Bon, alors on n'est plus sur du Ursula, on est sur du Jafar, qui est devenu une menace. On n'est plus Ursula. Certains pensaient que c'était Hadès, qui allait être le prochain méchant, dont vous, puisque vous en avez parlé, je crois. Oui, Oui, j'étais vous en avez déçu. parlé. Voilà. Ça Et en viendra fait, un c'est jour, Jafar. ça viendra. Et Scar après. justement, parlez-nous de l'histoire. Parce que vous faites des vidéos, les gars, sur votre chaîne YouTube, où vous parlez de l'histoire de leur canal. Vas-y, c'est ton moment, Thomas. Parle-nous de l'histoire. Ben en fait, on fait des vidéos ouais, sur les histoires de l'Orcana. Il y a tout un scénario qu'on peut retrouver sur le site officiel de l'Orcana, mais aussi sur les cartes en elles-mêmes, que ce soit les artworks ou les textes qui sont aussi sur certaines cartes, qui nous permettent d'en apprendre plus sur ce qui se passe sur le lore de l'Orcana. Et du coup, ça nous plaît bien de faire des vidéos là-dessus. On essaie de résumer au mieux l'histoire et de T'inquiète, faire du c'est bien résumé. C'est bien. et Non, c'est de vraiment faire du bien. montage. Et le temps que vous devez faire pour le faire, ça doit être énorme. Bah, Je surtout sais pas si vous l'avez. la dernière, c'est Revan surtout qui a fait un énorme travail de montage. Là, t'as vraiment beaucoup taffé sur celle-là. Ouais, j'ai passé quelques heures. Avec un S pour la faire. Mais j'adore. En fait, j'adore faire des petits montages comme ça pour raconter l'histoire. Non, mais c'est très bien fait. Coup, Enfin, ça voilà, c'est me. très bien fait. D'ailleurs, vous êtes les seuls à faire ça et tant mieux. Voilà, parce que j'ai pas vu d'autres youtubeurs en faire. Hein. La plupart parlent Ça font demande des du temps. Hein. débats, parlent des méta, font des débats et ben, vos vidéos sur l'histoire de leur canal sortent du lot. On va dire ce qui est. Voilà. Donc, il y aura bah, les fameux decks de démarrage, boîte de booster, le trésor de la trove et il y a bah, du coup le jeu en coop. Donc, le vol au palais. Alors, ça a l'air d'être différent que le Ursula, parce que j'ai souvenir que quand on attaquait Ursula, il y avait Ursula et on devait l'attaquer pour empêcher qu'elle ait du lore, à mon souvenir. 40 points, je crois, c'était pas ça? Oui, c'est Je sais ça. plus. Et il y avait mode débutant, normal et confirmé. Voilà. Alors déjà, le mode normal débutant, moi, j'avais un peu de mal. C'est vrai qu'il y avait il y avait des. On avait été au Challenge de Lille et justement, il y avait avec mon épouse et mes filles, il y avait un coin où tu pouvais jouer avec Ursula, en fait. Et tu OK. avais des gens qui étaient là et qui essayaient le mode le plus difficile, expert, confirmé, je sais plus, et pour absolument le battre. Et ils ont passé la journée à essayer. Ils n'ont pas réussi. Ouais, Ah il ouais, faut non mais vraiment. Ils Vas-y, n'avaient t'en pas fous. réussi. Donc là, ça va être vraiment, faut vraiment build. Il y a des cartes en fait qu'on ne joue pas en compétitif, en format construit, mais qui sont très fortes contre Ursula. Et il faut complètement changer ses decks pour pouvoir essayer de la battre. Nous, on l'a fait plusieurs fois avec les gars de la team. Et on l'a fait en difficile, mais pas en expert, pas en le niveau de difficulté le plus haut. On l'a pas réussi. Mais on a fait en normal et en difficile. Mais c'est vraiment chaud. Hein. Ouais. Bah, ça va vite. Alors, celui-là, ouais. c'est ça va très vite. Donc là, en fait, ça n'a pas l'air d'être du tout le même style de jeu. Puisqu'en fait, on doit rentrer dans le palais, si j'ai bien compris, récupérer la couronne et ressortir. Si j'ai bien compris, ou ouais, rentrer dans le palais, combattre Jafar et repartir avec la couronne. Enfin, de ce que j'ai compris, c'est un truc comme ça. Il y a peut-être un moyen que. Excuse-moi, je voulais pas te couper. Non, vas-y. Non, moi, je pense qu'il y a moyen, en reprenant un petit peu l'histoire d'Aladin, il y a moyen qu'on batte plusieurs formes de Jafar. Il y aura potentiellement un Jafar serpent. Peut-être le tout début, on aura le vieux Jafar là, qui emmène Aladdin à la caverne des merveilles, qui sera le plus facile. On aura le Jafar Jafar génie, le Jafar sorcier. Et je pense que du coup, il va y avoir plusieurs étapes. Et le but, ça sera, ouais, je pense, battre le Jafar génie. Du coup. Alors, je vais lire vite fait ce qui est écrit sur le site internet de l'Arcana. Il explique qu'il faut récupérer la couronne. Après avoir reforgé la couronne d'Exasor, brisée, bon, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, quoi. Jafar s'est transformé en redoutable sorcier suprême de l'Orcana. Ce sera désormais à vous de vous faufiler dans sa forteresse, de vous emparer de la couronne reforgée avant qu'il ne devienne tout puissant. Là, c'est ça. Donc voilà. Du coup, on verra. Mais ça, ça va être sympa à faire. Ouais, j'ai l'impression que ça va être un peu plus sympa que. Ça fera plus jeu de société, tu vois. J'ai l'impression. C'est ça. Que vraiment que Ursula, c'est deck contre deck, tu vois. On verra. Mais ce qui est bien avec ce jeu-là, c'est qu'on peut jouer avec des personnes qui ne jouent pas à l'Orcana forcément. Il y a déjà des decks aussi préconstruits souvent dans ces boîtes-là. Et donc faire le niveau le débutant, par exemple, avec les decks préconstruits, on peut jouer avec n'importe qui. Et c'est finalement un jeu de société comme on pourrait jouer à Vileinus, par exemple. Ça permet d'attirer joueurs sur l'Orcana. C'est trop bien, Vilineux. J'ai acheté la dernière extension l'autre jour, faut que j'y joue. Tu m'invites ? Je l'ai pas. On se fait une petite journée Vilineux. Voilà, une journée Vilineux. Mais tu peux jouer à Vilineux quand tu vas au challenge, quand on est à Lille, on pouvait jouer à Vilineux. Oui. Ouais. C'est vrai. Sortie du règne de Jafar le 30 mai, les amis. Donc juste après la fin des championnats, en finale. Ça a pas d'heure. La semaine d'après, ouais. Et sortie mondiale le 6 juin. J'ai l'impression que la sortie mondiale est plus tôt que d'habitude, parce que c'est pas une semaine après, généralement c'est deux, trois semaines après, non ? Je pense qu'ils ont des annonces à faire. Bah, on va en parler, d'accord, du coup, après. Par contre, moi je serai à Angers le 7 et 8, parce qu'il y a un tournoi à leur canal là-bas. Je sais pas s'ils vont pouvoir avoir droit à 7-8, du coup, là-bas. Vous allez à Angers, non ? Peut-être pas. 7-8 juin ? Ouais. Ça, moi de juin, je ne suis pas là. Donc, 7-8 juin. Donc, je ne sais pas s'il y aura droit au 7-8, du coup. 7-8, ah oui, en plus, 7-8 juin, et c'est 7-8, ok. Une semaine pour faire. Ah, c'est tendu, hein. Je ne sais pas. On a envie de dire oui, mais en même temps, on comprend que les gens n'aient pas tous réussi à avoir leur carte. Avoir leur display, ouais. Ouais. Ouais. Bon, si on tue avec un deck de démarrage, bon, faut être chaud, là. Le challenge. Et il y a un tournoi avec les decks de démarrage. En side event. Ah. Ouais. C'est rigolo ça. On avait été nous à un tournoi avec mon épousée et puis il y avait un side event. Fallait acheter une boîte de decks de démarrage. Tu pouvais affronter n'importe lequel de n'importe quelle saison et sauf saison 1. Et sauf cette 1. Et puis du coup tu pouvais acheter. Il fallait jouer. Voilà. Bon, ça va arriver. Donc vous avez hâte du coup, si j'ai bien compris. De voir. Ouais. Moi, pas encore de ville de cartes, je crois pas. Hein. J'ai pas vu On a juste un Yago, mais lui qui est du pack de la D23, je crois. C'est tout. Ouais. On n'a pas de nouvelles d'ailleurs pour la D23. Je sais pas quand est-ce que ça va être ça. Aucune idée. Bon, c'est pas au mois d'août la D23 normalement. Bon, je crois que c'est toujours à la même période. C'est mois d'août. C'est tout le temps au mois d'août. Hein. Donc, à mon avis. Alors justement, on allait parler de, j'allais justement parler des Lorcana Challenge. Je me suis dit, ça, on n'en a pas. À cette période-là, on était déjà à Lille, on préparait tous Bologne, ouais. On parlait tous Borum, on préparait tous Buckingham. Non, pas Buckingham. Birmingham, c'est Nottingham, la royauté anglaise. On va jouer, voilà. On va jouer avec la reine, on va jouer avec le roi. Le roi. Bon, c'est trop vite. L'état. Mais bon, pour dire, c'est qu'on avait déjà des reveals sur les. J'avais déjà pris l'hôtel pour Lille, vous aussi, je suppose. Lille, on avait dormi chez. Lille, c'est un trauma pour ma part. Mais oui, non, on avait dormi chez un pote, nous. D'accord, mais vous avez été à Lille. Vous oui, avez oui. déjà la date largement avant. Vous avez déjà pris votre ouais, billet. On avait déjà tout setup depuis. Mais je crois que c'était depuis 3 mois, un truc comme ça. Ouais. Ouais, oui, c'était largement. On avait même l'agenda complet. Après, il y a eu Borum. Vous avez pas été ici. Non. Vous avez été non, moi j'ai pas. En fait, je voulais pas être seul. Tristesse, il a pas d'amis. Mais je voulais pas être seul et Birmingham pareil. Et du coup, je me suis un peu démotivé parce que bah, je voulais pas faire tout seul. Et voilà. Alors, je t'ai accompagné, mais j'ai des visiteurs. Tu vois, c'est pas évident. Avec les filles, c'est pas évident. Donc, voilà. Ah, ouais. Mais en fait, nous on y va à chaque fois en tant que visiteur. C'était très agréable en tant que visiteur à Lille. Très agréable. Et puis très agréable d'avoir été. On était à Bologne au final. T'as pas été à Borum. Mais apparemment, on n'a rien à rater à Borum. Voilà. On était à Bologne. C'était super Bologne. Franchement, il n'y avait rien à dire. Il fait très chaud. Et la salle était très sympa. Et puis, j'allais dire encore Buckingham. Mais non. Birmingham. Birmingham. Voilà. On n'y a pas été. Voilà. On n'a pas eu le temps de prendre les billets d'avion pour y aller. Mais bon. Voilà. Mais du coup, alors, justement, tu parlais, Révan, de ça. Pourquoi il y avait. Tout simplement, les Worlds. Je pense qu'ils veulent close les worlds avant de lancer les nouveaux challenges. Je pense qu'ils vont pas forcément attendre la fin des worlds, mais au moins quand ils vont annoncer les worlds, ils vont annoncer les challenges, les dates des challenges, etc., etc. Alors du coup, à ton avis, c'est quand les worlds? Mois de juin. Moi, je sens bien que les Worlds, ça va être le 31 mai. Non, hein, c'est trop tôt. C'est trop tôt quand tu prends ton billet d'avion. Il va coûter la blinde. Ah, mais les joueurs, ils le savent déjà. Ah ouais, oui, je pense que nous, ils ne savent pas. Les joueurs qualifiés. Ouais. Les joueurs, ils le savent tous. Ils sont sous NDA, donc ils ne peuvent rien dire. J'ai essayé de soutirer des infos, mais. J'ai essayé d'avoir des infos. Pas d'infos. Donne-nous un nom, on va chez lui, on va le torturer. Il va lâcher une date, c'est sûr. Bon, les gars, c'est entre le 30. Et le 1er juin. Entre 30 mai et le 1er juin. Ça va. Donc ouais, 31, tu penses 31 mai? Ça fait tôt. Non, c'est du karma vis-à-vis d'un autre event. C'est quand le... Ça pourrait être dans le peut-être en été, peut-être. Le championnat asiatique, c'est quand Parce que bah, l'été, ça peut être plus simple pour les gens de s'organiser pour y aller. Après, ça coûte plus cher, tu me diras. Bah, ça va coûter bon, ça, un billet, hein. Enfin, franchement, là, quand tu prends un billet pour. Tu vas prendre un billet pour la Floride, ça va pas être donné, là. Non, c'est pas faux. Donc, sauf si, comme tu dis, ils savent déjà largement à l'avance et que bah, du coup, ils ont pu prévoir. Mais voilà, quoi. Bon, et tu penses que les dates du challenge, ça sera donné. Ouais, je pense qu'ils vont faire un tir groupé date des Worlds, des ouais. infos par rapport aux Worlds. Et pour le futur de l'Arcana. Bah, c'est chaud parce qu'ils vont faire. Les dates de sortie du chapitre 9. Et voilà. Il faut faire des challenges de l'Arcana en peu de temps, là, parce que il faudra quoi Bah après, ils ne sont pas obligés de faire tout jusqu'à décembre. Hein. Ils peuvent refaire des challenges jusqu'à juin de l'année prochaine, en vrai. Ah ouais, mais bon, bah, c'est après... mieux par saison, par année. Par année civile, ouais, c'est bien. Je comprends que par année civile, on ait envie. Mais après, ça peut être par cycle. Ouais. Après, c'est sûr que pour s'organiser en tant que joueur ou spectateur, c'est plus tendu parce qu'il faut avoir les infos. Ouais, qu'on n'a pas au final. Voilà. C'est ça. Il n'y a pas un de vous deux qui n'est pas capable de gagner un challenge pour après nous dire la date. Quoi. Travaille. En même temps, 118 à Verdon, j'imagine bien un challenge. Oh, On est pas assez bon. J'ai pas osé la faire, mais là, pouf. T'inquiète, je vais faire. Hein. Parfait. Je peux compter sur toi. On est très loin de gagner à l'Orcana Challenge, ça c'est sûr. Vous avez fait combien à Lille ? Vous avez fait combien à Lille ? Je sais plus. Ouais, je sais plus. J'étais milieu haut, je crois. Milieu haut, c'est-à-dire milieu ouais, entre 1000 et 2000 ou 1000 et 0 et 1 Oh, je sais plus. J'étais. Je crois que j'étais 1003 peut-être en fait. Si Thomas dit 118e, là c'est bravo. Là, c'est 118e, c'est bon. Il m'a caché sa carte promo hein, parce que je ne l'ai pas vue. Tu sais plus, Thomas, combien t'as fait, toi ? Bah non, je suis en train de regarder. On n'était pas si loin, je crois. Hein. C'était notre premier gros event. Après Vernon, du coup. Ah oui, il y avait Vernon avant. Et puis après... Ah oui, gros event. Ouais, ouais. C'était ma première fois dans un truc aussi gros, moi, en tout cas pour moi. Ouais, il y avait une bonne ambiance, je trouvais. Ouais, ouais c'était cool. Ce qui faisait marrer, c'est que quand t'es spectateur, c'est le calme d'un coup. Tu ouais. sais, c'est nous en train de jouer dans les tables. Parle. Et d'un coup, votre ronde commence, t'as plus un bruit, plus personne ne parle. C'est de l'ASMR, tu vois. C'est ça. Et, voilà. Genre Gravelver Jam. Genre Gravelver Jam. D'accord. Tu as 2 points de force, c'est bien. Tu frottes les cartes et tout. C'est super. Ah, Thomas est toujours en train de chercher. Cherche ah ouais, vers le bas de tableau, Thomas. Là, on meuble, hein, mais il faut scroller plus ouais. vite. J'ai pas la page 27. La page 22 mêlée. On va trouver. Donc, du coup, voilà, je pense qu'on a fait le tour d'un peu tout. Moi, j'aimerais que vous passiez un peu de temps à nous raconter, bien sûr, votre événement. C'est important. À la clé sous bois, oui, c'est sous bois, oui. Au clé sous bois, oui, c'est okay, ça. Voilà, c'est... qui n'est pas du tout Buckingham. Voilà. Qui n'est pas Buckingham. Ni Birmingham. Ni Boroughan. Ni Nottingham, voilà. Voilà. Du coup, je vous laisse un petit moment pour nous parler de votre tournoi. Voilà, Revan, pendant que Thomas est en train de toujours surmêler. Pour ça nous marche. Chercher. Alors oui, donc on organise un tournoi 64 joueurs au Clé-sous-Bois. On a été contacté par le festival Geek Up pour organiser cet événement. Donc nous, on a répondu présent parce que on s'est dit que c'était sympa d'avoir une expérience d'organisation de tournoi. Donc ça a lieu le 31 mai. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des Worlds qui pouvaient être le 31 mai. Ça ne sera pas la clé sous bois. Ça aurait été drôle que ça soit en parallèle. Parce que si c'est en parallèle, on a déjà prévu, il y aura une grosse télé pour suivre en parallèle les Worlds. Si les horaires le permettent. Et donc, du coup, ce tournoi est ouvert à 64 joueurs. Il y aura des lots exclusivement chapitre 8. Et on pourra jouer des cartes, évidemment, que jusqu'au chapitre 7, sachant que le chapitre 8 sortira la veille. Donc voilà. Donc, c'est marqué, j'ai vu sur le site que tu ne pouvais que jouer jusqu'à cette C'est tête. Ça. Donc c'est pour empêcher ceux qui vont acheter toutes les cartes directes pour monter leur deck d'arriver avec leur nouvelle carte et ne plus être sur le même pied d'égalité que les joueurs qui n'ont pas pu avoir accès à ces cartes-là en temps et en heure. Donc voilà, c'est pour l'équité. Et du coup, vous bannissez pas bleu, gris ou bleu, rouge. Vous gardez. Ravensburger s'en est occupé. On va suivre la règle de Ravensburger qui est de bannir Flavorsham et la sphère et garder l'errata sur Bucky, hein, on n'oublie pas. Voilà. Donc on espère qu'il y aura plein de gens. On a préparé pas mal de lots. Voilà, il y a un accès avec le ticket pour accéder aussi au festival. À la journée, effectivement, à la journée c'est marqué sur Internet, j'ai vu que c'était marqué. Exactement. Donc si vous êtes éliminé d'entrée et que vous avez pu aller vous promener dans les halles de la clé sous bois, vous dire ça. C'est non ça. Non, mais ça a l'air pas mal. Comme très sympa comme event, ça se passe en plein air, donc pas le tournoi. Le tournoi sera dans un bâtiment, hein, je rassure les joueurs. C'est marqué aussi. Il sera dans un bâtiment. Je crois que vous l'avez dit dans une vidéo, non ? Oui, on que c'est dans un bâtiment. Du coup, vu t'as qu'on... vu et premier de la classe. Hein. J'ai vu. Vidéo, vu attends. Une carte promo en plus. Je vais pouvoir vendre sur Vinted. Non, sur Card Market, pardon. Tu pourras me la dédicacer? Parce que si jamais vous venez des grosses stars. C'est maintenant ou jamais. Là, je veux qu'elle soit dédicacée. Comment ils les font signer les artistes là, 80 balles la carte? Bah, je sais que j'ai été à Disneyland au final européenne. Moi, j'ai fait signer tout. C'était gratuit, hein. Mais c'était super, enfin ouais. Super agréable. Enfin, franchement, surtout un qui était excellent, c'était Nicolas, celui qui a fait le Mickey Petit Tailleur, Brave Petit Tailleur. Ah oui. Nicolas, oh, tellement, je sais plus comment il s'appelle vraiment son nom de famille. Génial, génial. Enfin, de loin. Et il y en avait une autre qui avait fait Mulan, je sais plus comment elle s'appelle. Une carte Mulan, génial aussi. Enfin, vraiment, tu pouvais avoir de l'interaction, etc. Bref. Donc, voilà, pour vous dire, voilà. Une dessinatrice qui m'a vraiment marqué, parce que j'ai vraiment pas mal parlé avec elle, c'était Jeanne Plounvet. Jeanne Plounvet, celle qui avait fait, je crois, la Mufasa du 7-5, mais pas l'Enchanté, la légendaire. En fait, au final, ouais. Tous les dessinateurs sont sympas. Au final. Ouais, je crois qu'ils sont tous cool. Ouais. Puis même, c'est vraiment. Ils font des belles cartes. Ils font ça de base par passion. Et... Mmh, c'est ça. De base. Et donc, à la clé sous bois, il n'y a pas de dessinateur. Non, parce que les clés sous bois, c'est pas. En fait, ils s'ouvrent à l'Orcana. C'est un test pour eux de tournoi. Ouais. Alors, c'est un test parce que c'est la première fois qu'ils vont faire un tournoi de cartes. C'est un test, voir si ça marche, si c'est populaire et que du coup, les gens voudraient revenir. Donc, tournoi adulte, tournoi enfant, alors, il y a les deux. Non, alors pour l'instant, il n'y a que tournoi adulte. En fait, d'accord. Vu qu'on fait tous nos armes un peu, nous en tant qu'organisateurs, eux en tant que sur-organisateurs pour faire ça, déjà on voulait voir si un tournoi sur lequel vous avez la gestion. Prêt. Voilà, vous avez la gestion. C'est ça, nous on gère tout le tournoi, tout ce qui est aller chercher les juges, aller chercher les lots, les tickets, les mêlées, enfin, voilà. Tout ça, c'est nous qui gérons. Et après, eux, en gros, ils nous ont donné un peu carte blanche. Voilà. Oh, c'est bien, confiance. Mmh. Ah, non, c'est bien. Ça. On était plutôt agréablement contents, surpris de la démarche. Et ils nous laissent vraiment une très grande liberté. C'est bien, ça. C'est bien. Tournoi de 64 joueurs. Alors, si je finis premier, qu'est-ce que j'ai? Alors, un bisou de Tomer Evan. Wouhou! Exactement. non, si le premier joueur aura une case. Ah, c'est bien ça. Le et premier joueur a une case de chapitre. Oui, c'est ça. 4 displays de 24 boosters du chapitre 8, le retour de Jafar. Donc, quoi de mieux pour commencer ce nouveau chapitre que de finir premier et d'emballer la case à la maison. Ah, bah oui, c'est bien ça. Et elle est fournie avec amour, au moins, j'espère. Oui, évidemment. Avec si amour, on mettrait un petit nœud dessus. Un petit. Et si je dis deuxième, qu'est-ce que j'ai? 2 displays. C'est ça. D'accord. Hein. Moitié moins. Donc ouais, on peut dire une demi-case, quoi. Une demi-case. Si je finis troisième et quatrième. Une dispi. Un booster. Ouais, il y a une dégringolade. Ouais, une dégringolade. Et les autres, des cartes promo s'il nous en reste. Donc si tu finis troisième et quatrième, tu as une display. Ouais. Oui. C'est ça. Et si je finis top 8. Tu as 12 boosters. Une demi-display. Demi-display. Et après, au-dessus, du coup, vous faites un top 16, je suppose, non? Vous faites top 8 direct? Ouais. Oh non, top 8. Et après, c'est 2 boosters de participation. Pour tous. Oui. Combien coûte l'inscription, les amis? Eh bien, ça coûte 30 euros. Alors, attention, dedans, il y a la journée à la convention. Exactement. Faut pas oublier, hein, les gens. Faut pas dire, ouais, 30 balles de booster. Non. Non, non, non, non, non. Dedans, vous avez 2 boosters et la journée à la convention. La journée du samedi ou samedi-dimanche? Samedi? Que samedi, oui. C'est déjà pas mal. Donc voilà, donc c'est quand même dedans, voilà, quelque chose qui est bien pour ceux qui veulent se promener aussi. Voilà. Et ça va durer de quelle heure à quelle heure, dites-nous. Alors, le tournoi, on va essayer. Les portes du tournoi vont ouvrir avant les portes du festival. D'accord. Pour être sûr de pouvoir faire ça sur la journée et de ne pas trop rush les gens, de les faire précipiter. Parce que personne aime se faire pousser pour finir ses games avant le gong. Donc voilà, donc on va, je crois de mémoire, on ouvre à 8h30 les portes. Enfin, tout le monde soit là à 8h30 vraiment pour qu'à 9h on démarre, qu'on lance tout. toute façon, on aura déjà préparé tout la veille. Ça, c'est un peu la chance qu'on a, c'est qu'on va pouvoir avoir accès au local. Oui, c'est bien, c'est pas mal. Donc, vous pourrez essayer vos matériels de cast, je suppose, aussi. Exactement. C'est ça. Et donc voilà, tout le monde va pouvoir arriver. Il n'y aura pas forcément de pause déjeuner. Les gens pourront aller manger quand ils veulent. Ils pourront aller se balader quand ils veulent dans le parc. Et des annonces, de toute façon, seront faites à travers le parc grâce à des enceintes hein, classiques pour annoncer aux joueurs qui se baladeraient, qui papillonneraient de stand en stand, qu'il est temps de retourner jouer. Et s'ils ont faim ? S'ils ont faim, il y a des food trucks qui seront là. Et alors, il faut que je reparle avec les organisateurs, mais normalement, il y aura aussi pour le coca, évidemment, pas d'alcool. Ah bon, c'est nul, moi je viens pas. Voilà. Officiellement, pas d'alcool. Je viens pas. Non. Ah, c'est pas pour les enfants, hein. Du coup, c'est. Bah, c'est bien, vous devez avoir hâte quand même. Carrément. Un peu de stress. Un peu d'appréhension parce qu'on a envie que ça se passe bien. Moi, je suis quelqu'un qui de nature stresse très vite. Mais non, ça va bien se passer. Donc, ça va bien se passer. Ça va, mais deux jours avant, je vais être en PLS. Mais non, mais ça va très bien se passer. Ça va, non, mais. Ça va très, c'est sûr. Ça va bien. C'est sûr. Et c'est certain. On a fait exprès de cibler un tournoi 64 joueurs. Tu commences bien. C'est 64, c'est pas 300, 400, tu vois. Parce que en soi, on aurait pu faire un tournoi avec plus de joueurs, mais on s'est dit c'est le premier tournoi qu'on organise. On veut pas se planter, donc on préfère faire un tournoi, on va dire, de taille moyenne pour commencer. Et puis si ça se passe bien, peut-être que s'il y a une réédition du tournoi l'année d'après, peut-être qu'on pourra augmenter la jauge de participants. Mais pour commencer, oui, c'est faut regarder. Ouais, c'est bien. Donc, en plus, faut prévoir le casting. Déjà, je pense, pour les juges, je suppose que c'est vous deux qui commentez. Non, nous, en fait, ceux qui vont commenter, ça sera du coup notre team, les Illuminers Legacy. Donc, c'est avec eux que j'ai commenté le dernier tournoi à Lille. Donc, c'est eux qui vont faire le show au niveau du cast. Nous, on va vraiment être un peu en mode chef d'orchestre pour voir que tout se passe bien, que tout le monde a tout ce qu'il veut, que les juges soient dans de bonnes conditions, que les joueurs... Et si moi, je suis assis en train de jouer et que je commande une bière, tu vas me la chercher ? Non. Non. Le service n'a pas compris dans l'entrée. Ah bon, le service... Non, non, je suis désolé. 35 balles quand même, tu peux au moins servir la bière. Non, même pas. Ou le coca. 30 balles, c'est 30 balles, pardon, excuse-moi. Mais oui, voilà, mais bon. Voilà. Est-ce que ça, donc tu expliquais tout à l'heure que c'était alors à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, parce que j'ai bien compris dans votre vidéo que c'était quelque chose qui était c'est une salle qu'ils construisent pour vous, c'est ça, non ? Enfin, j'ai pas trop qui monte. Non, du tout, en fait. Ah non, je sais pas si c'est dans votre vidéo alors du coup. En fait, dans les clés sous bois, donc c'est il y a un parc qui appartient à la mairie. C'est un parc où jadis il y avait un château. Il n'est plus là. Et non, il reste deux tours. Voilà, c'est d'accord. Tout ce qui reste. Mais à la place, ils ont mis un bâtiment qui appartient à la ville, qui sert à plein de choses différentes pour des activités de la ville, tout ça. Et en fait, lors du festival, l'organisation Geek Up, du coup, réserve ce bâtiment pour mettre des activités intérieures dans le bâtiment. Et là, cette année, il y a tout l'étage, du coup, qui est... Pour organiser le tournoi de 64 joueurs. Et c'est aussi la raison pour laquelle, pour l'instant, on peut mettre que 64 joueurs parce que niveau place, on n'a pas plus. Donc c'est déjà bien, 64 joueurs, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Tu peux te faire un bon tournoi, tu peux avoir un bon niveau, etc. Non, mais c'est très bien. Puis notre objectif, c'est vraiment de faire plaisir aux joueurs qui viennent, de les gâter et qui passent un bon moment. Voilà, c'est ça. Je suis sûr et certain que ça va très bien se passer. Je suis sûr et certain que vous aurez très bien organisé la chose. Comme dit Thomas, c'est plutôt pas mal de commencer à 64. Comme ça, ça tâte ton niveau de on va dire, ta force de travail, entre guillemets, par rapport à... Si tu vois qu'à 64, tu as du mal à gérer, tu te dis, je ne vais pas faire plus. Ou si tu gères la fougère à 64, tu te dis, tu vas à 128, c'est ça, non ? Le dessus, c'est... Ouais, c'est ça. Voilà, si vous voyez que vous gérez, Mais je suis persuadé que vous allez bien gérer. Ça, j'en suis persuadé. La seule chose qui me fait paniquer, c'est pas vous, c'est Melee. Voilà. Parce que oui. Melee, c'est... Bah, je crois qu'ils avaient annoncé Ravensburger, leur propre... Bah, ouais, c'est mis en place, là, ouais. Ah, vas-y, tu veux nous en parler, Thomas ? Ouais, bah, ils viennent tout juste là cette semaine. Je crois que c'était aujourd'hui ou hier, je sais plus. Ils ont mis en place le Ravensburger Hub, Play Hub. Et en fait, c'est un outil qui va à terme remplacer Melee pour l'Orcana et même les autres événements de jeux de société Ravensburger. Donc, je pense à Vilainus, par exemple. Mm-hmm. Et donc le but c'est de passer par ce hub, ce play hub pour la gestion des tournois, donc pour les pairings, pour aussi les decklists. On pourra importer nos decklists directement. Ah, c'est bien, sans passer par Dreamborn. Enfin, du coup, il y a moyen que ce soit aussi je sais pas si ce sera un lien Dreamborn ou si ce sera un outil de création de deck directement lié à l'outil. Mais en tout cas, on pourra avoir tout ce suivi des tournois via ce Play Hub pour l'Orcana. Donc, même pour en termes d'organisateur, ça peut être, si c'est bien fait en tout cas, si l'outil fonctionne bien, ça peut être très pratique pour la gestion du tournoi, quand on a aussi, donc que ce soit les pairings, les checklists, enfin les decklists à checker, ce genre de choses. Donc ça peut être très très bien. Vous pensez pas l'avoir cette application avant votre tournoi, non ? On aimerait bien la tester avant. Ouais. Parce que si finalement le Play Hub a des bugs ou est pas complet, on fera via Melee. Par contre, si ça fonctionne bien, s'il y a toutes les fonctionnalités dont on a besoin qui sont présentes dessus, il y a moyen qu'on utilise le PlayHub. On ne sait pas encore. Ouais. Bah après Melee, moi j'ai peur, ça bug. Parce que j'ai vu à Lille, enfin vous avez été à Lille, mais je crois que c'est le lendemain, je crois qu'il y avait Atlanta qui arrivait en même temps. Ouais, oui, ça a été l'enfer. C'était spécial aussi. Ouais, c'est ça qui fait peur en fait. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que les serveurs se chargent facilement. Ouais, là, c'est parce qu'il y avait deux challenges en parallèle aussi. Ouais, là, on est 64. Ouais, mais quand... ouais, mais... aller. Si aux États-Unis, ils en font un 64, on devrait pouvoir... En tout cas, ça va bien se passer, j'en suis persuadé. J'invite tout le monde. Alors, il reste des places, vous m'avez dit. C'est ouais, ça. Oui. Il reste des places. Donc, les places, vous pouvez les récupérer sur le site officiel du festival, de la convention Geek Up. Il y a un onglet spécial. Alors, il y a billetterie et en dessous, il y a billetterie et tournoi Arcana, si je ne me trompe c'est pas. C'est ça. En fait, le ticket en lui-même se trouve sur Hello Asso, hein, qui est assez connu maintenant à travers les joueurs. Vernon, c'était Hello Asso, je crois. Hein. C'est ça. Ouais. Donc, normalement, ça dépayse pas les joueurs. Voilà. Voilà. Pas vous. Donc vous commenterez même pas un petit match, rien. Oh, je pense qu'on passera du côté caméra à un moment donné, oui. Ouais. En fait, si tout se passe bien, si les pairings sont lancés, les matchs sont lancés, et que au niveau de l'organisation tout est carré, il y a forcément un moment où on va vouloir aller sur le stream et puis commenter des games. Ouais. Est-ce que l'idée serait, comme tu disais tout à l'heure, Revan, de commenter un peu des, pas forcément le top du top, mais à un moment donné, voilà. Une petite table au milieu de tableau, genre 118e, ouais, tu vois. Ça, voilà. Ça, je pense qu'on fera. Toi, il n'avait pas réagi. On est pour tout le monde. Non, on fera ça. Clairement, je pense que c'est le plan. C'est, je pense, une très bonne façon de voir la diversité des decks et de pas toujours voir les mêmes têtes non plus. Oui, et puis vous aurez les decklists en amont. Du coup, vous regardez ce qui vous intéresserait. Exactement. Ouais. Un peu plus. Je suis très content que la banlist soit passée pour justement notre tournoi. Ça va être plus intéressant. Ouais. On va avoir parce que bonne diversité de decks. Ouais. Clairement, le bleu rouge et le bleu gris, quand tu regardes sur Twitch, c'était insupportable. Insupportable. Même tu voyais les commentateurs, ils disaient bleu rouge. Et comme disait Revan, t'as l'impression de commenter tout le temps pareil, quoi. Enfin, mais même en tant que joueur, ça devenait assez pénible. Et toxique. Du coup, il y avait moyen que finalement, ça intéresse moins de gens de refaire un tournoi en fin de set comme ça, sur une méta où il n'y a que bleu rouge et bleu gris. Là, ça va être très, très diversifié. Et du coup, il y a plus d'intérêt à vouloir faire un tournoi. Et c'est pas plus mal aussi qu'en bannissant ces deux-là, ça oblige les gens à revoir leur deck et donc peut-être le plaisir de revoir des bleus rouges totalement refontes intégralement. Voilà. Votre prochain tournoi perso, où est-ce qu'il va aller là? Revan, où il va aller Revan? Alors moi normalement ça sera sur Paris pour les championships, enfin les championnats de 7. Et toi Thomas? Moi ça va être au Havre, à Fécamp et à Pont-Audemer pour les tournois de 7 aussi. À Gixama. Et les tournois de 7. Ouais. Gixama. Et à Pontau Secret. Exactement. On risque de se voir. Ah bah super. T'étais pas là au dernier. Tu m'avais non, dit. Non, j'étais pas là. Non, j'étais pas là. Non. Et c'était l'anniversaire de ma filleule, donc tu vois, je pouvais pas y aller. Ah oui. Voilà. Mais normalement, ça, si tu me vois pas à Pontau Secret, tu me verras sans doute à Gixama. Ok. Voilà. Pour ceux qui savent pas, c'est à Fécamp, Gixama. Voilà. Et au Havre, tu viens pas? Je pense pas. J'en ai deux, c'est pas mal. Enfin, j'en fais un. De toute façon, je fais que pour le plaisir. Hein. Je finis jamais. Ouais. Je fais juste pour le plaisir. Puis comme je disais, c'est avec les filles, c'est pas évident. Et puis après, j'ai peut-être le vôtre, normalement. Donc voilà. On va venir à deux ou trois. Donc, voire quatre. On a un copain belge qui veut venir, qui veut tester. Voilà. Qui vient affronter les Français. Bienvenue. Voilà. Merci les gars. C'était sympa de vous retrouver, en tout cas. Ouais, merci. Plaisir. À toi. Ça fait 3-4 mois qu'on ne s'était pas entendu. Ouais. Merci à toi. Voilà. Thomas, petite actualité YouTube prochainement? On va continuer à faire des vidéos sur des decklists, puisque là, comme il y a eu la banlist, ça revoit un peu toutes les decklists. Je pense qu'on va commencer par ça. Et puis peut-être quelques petites collabs aussi avec d'autres youtubeurs français de l'Orcana. C'est bien, qui c'est toujours intéressant aussi. Ça. C'est bien. En plus, ça permet d'avoir une autre vision de l'Orcana quand tu as d'autres personnes, des youtubeurs, etc., qui permettent de. Moi, je vois les vidéos que vous faites. Par exemple, toi, j'avais bien aimé si tu as fait ta vidéo sur. Tu avais fait les decks et tu avais mis les pourcentages de victoire suivant le deck. Tu sais, tu avais un grand tableau derrière toi. C'est super bien. Et tu avais d'autres qui faisaient que des vidéos sur les métas. Mais vraiment sur la constitution des métas, machin, etc. Donc, vous avez tous des vidéos différentes, mais complémentaires. Et c'est plutôt appréciable à regarder. En tout cas, voilà. Merci Revan, merci Thomas pour avoir participé à ce podcast. Je pense vous retrouver à la Geek Up. Voilà. Thomas, peut-être avant. Soit pour ton secret, soit Gixama. Voilà. Je n'irai pas à Paris, Revan, je suis désolé. C'est trop. Voilà. Je comprends. Voilà. Moi, je serais bienvenu en Normandie s'il y avait eu deux dans le même week-end, mais là, ouais. Ça fait trop d'allers-retours pour. Surtout, le tournoi, c'est le dimanche. Donc, c'est le dimanche. Donc, du coup, quand c'est le dimanche, c'est pas évident, quoi. C'est mieux quand c'est le samedi. À la limite, tu peux faire le samedi avec les copains, le dimanche, profiter, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est le dimanche, c'est pas évident. Donc voilà. En tout cas, merci les potes. On va se retrouver pour le 7-8, ça vous dérange pas. Et puis, pourquoi pas faire un briefing de votre tournoi. Vous nous expliquerez l'organisation, comment était moi je pourrais expliquer l'ambiance, mais comment c'était pour organiser, ça serait sympa. Et puis voilà. Hein, 7-8. Et puis peut-être qu'on aura des news d'ici là sur les dates de Worlds, comme tu disais, et puis les dates des challenges. Voilà. Est-ce qu'il y a un challenge en France encore? Ça, je sais pas. On verra. Il y en aura. À Paris. Comme ils ont pu faire Italie, Espagne. Non, Espagne, il n'y en a pas. Italie, Allemagne, Angleterre et France. Ouais. J'aimerais bien aller à Milan, là. Parce que Bologne, c'est très beau, mais aller à Milan, c'est pas mal. J'ai envie de faire des visites. Voilà. Là, on verra bien. Voilà, c'est Edimbourg sans la pluie. Ah oui. <Edimbourg. rire> Ça fait aller dans le nord, là. Vraiment dans le nord, là, du coup. Très, très dans le nord. Ouais, ouais. Mais pas l'hiver, par contre, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. En tout cas, merci, les gars. Merci pour avoir accepté l'invitation. Et puis, on se voit une prochaine fois pour le 7-8 pour en parler de l'actualité. Mais aussi, voilà, comme je disais, j'attends votre retour sur l'organisation de votre tournoi. Peut-être que ça permettra de donner quelques astuces à ceux qui voudraient organiser aussi des tournois. Allez, merci, les gars. Bye. Salut.